Parisien. C'est la chanson parisienne. Paris. On va faire le petit chorus. Michael Jackson, non, George Michael, hein. And say I'm the capable, live inside and go see. Give me lyric. And say it's gone, why? Live inside to go, I'm living one. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. I don't know this. Oh, connais pas ça. I don't know this social. Guitar. España. Thank you. Enjoy the silence. Enjoy the silence. Set you on. set to a lie of a bubble. I know it's been on a whip. To Mr. GMO, de Chili. À la guitare, il s'appelle GMO, c'est chill. We'll be right back. I must go. Guitare, le monsieur qu'on entend derrière la guitare, il s'appelle JMO, il vient du Chili, et on a aussi RP qui vient de la Malaisie. RP, merci à toi. JMO, merci à toi. À bientôt, bye bye. Bye bye. Bye bye, my friend. Thank you, bye bye my friend, bye bye, see you later, à bientôt sur nitbot.com, bye bye, hasta la vista. Thank you.